la servante de mon homme à moi. Quand je suis contente, c'est à lui que je le dois. Si l'amour pouvait se dire, je le dirais pour lui. Si j'avais le cœur à rire, je chanterais pour lui. Je bâtirais des montagnes pour lui, rien qu'à pour. Et ma vie, à qui perd gagne, je la jouerai pour lui. Rien, plus rien à faire, pour nous séparer. Allez vendre mon âme, je la vendrai pour lui. S'il aimait une autre femme, je m'en irais pour lui. J'inventerai pour lui, rien qu'à pour lui. Et ma vie entière, je la donnerai.